On va parler des Saguenay de Chicoutimi. On sait qu'il y a, on va parler des Saguenay de Chicoutimi. On sait qu'il y a un match important qui se déroule vendredi soir au centre sportif Benoît Lévesque. Et il y a un joueur natif de Mastouillache qui va certainement avoir des papillons dans l'estomac, c'est Louis-Philippe Simard. Question de savoir un peu comment il entrevoit ce match. On lui parle. Salut Louis-Philippe. Salut. Louis-Philippe, vendredi, c'est un match en concours, mais c'est un match qui va avoir quand même une signification pour toi et Samuel Girard. Oui, ben, ça va être le fun. Je pense de revenir dans le fond d'où que je reste, voir tous les partisans qui sont là, l'ambiance du monde de chez nous, puis autant Robert Val qui vont supporter moi puis Samuel. Je pense que ça va être le fun et avoir une bonne ambiance. OK. Cette année, comment tu vois ça? Tu as avec les Saguenay. Je sais que Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenay, m'a dit que ce matin que tu vas être troisième. Tu dois être habillé comme un défenseur cette année. Oui, je vais être défenseur. C'est sûr que le niveau de concentration avant les games, c'est pas la même chose. C'est pas vraiment le même jeu qu'avant. Ma façon de préparer pour les matchs est différente. Ou sinon, niveau confiance, je pense que je vais être plus confiant que l'année passée. T'sais, l'année passée, j'avais plus un poste joueur d'avant, joueur de def. C'est vraiment un poste de défenseur, dans le fond, je vais me concentrer vraiment là-dessus. Je pense que je vais être plus confiant à ce niveau-là. OK. Est-ce qu'on t'a dit que tu pourrais quand même dépanner comme attaquant si t'es dans un match, parce que tu sais que tu peux le faire également à l'attaque, si jamais Yannick Jean est mal pris? Je ne sais pas. Par contre, je vais être prêt. Si ça arrive, je vais être prêt pour ça. Mais Yannick Jean ne me l'a pas dit personnellement. OK. Comment tu entrevois ta saison? J'entrevois de jouer une grosse saison en défense. Je pense que ça va être une grosse saison cette année, autant pour moi que pour l'équipe. Donc, je suis prêt puis on est en ordre de commencer la saison. OK. Est-ce que quelle sorte de préparation que tu as faite cet été? J'imagine que tu as pris l'entraînement, tu t'es entraîné beaucoup en vue justement d'arriver prêt au camp? Oui, justement, j'ai passé l'été à Chicoutimi justement pour m'entraîner avec le préparateur physique des Saguenayens. Je pense que ça m'a aidé d'arriver prêt au camp. Puis je pense que je l'ai vu aussi aujourd'hui au niveau des pratiques et au niveau des tests physiques. Je pense que c'était une grosse été de mon côté. Hein. OK. Cette année, les Saguenay, vous avez quand même c'est quand même intéressant cette année. Là. Les attentes sont quand même assez élevées. Là. Comparativement, c'est Dave Hensley qui en parlait hier dans le Journal quotidien. Il y a plusieurs vétérans. L'an passé, à pareille date, il y avait des postes à gagner. Il y en a encore quelques-uns, mais c'est beaucoup moins pire cette année. Là. Ouais, ben, c'est sûr que oui, il y a des vétérans, mais les postes de tout le monde ne sont pas assurés. Fait que chaque joueur doit travailler pour garder son poste. OK. Ben Louis-Philippe, un gros, gros merci. On va se voir vendredi à Robertval, puis on va s'en parler durant la saison. Merci. L'attaquant des Saguenay de Chicoutimi, Louis-Philippe Simard.